Jacques Cartier par Charles de la Roncière. La découverte du Canada. Le dimanche 23 juillet, dans la cathédrale de Saint-Malo, une voix éloquente a prononcé le panégyrique d'un pilote malouin qui nous donnait la Nouvelle-France. À l'endroit même où le conférencier de Notre-Dame, l'abbé Janvier, lui rendait hommage, Jacques Cartier s'agenouillait, voici bientôt 4 siècles. Il demandait à Dieu de bénir son voyage de découverte et nous eûmes le Canada. Venant 3 ans après l'érection d'une statue au grand armateur Dieppois Angot, le monument de Jacques Cartier sera un nouveau témoignage que la France n'oublie pas ses gloires maritimes. Qui tenterait, à la manière de Plutarque, un parallèle de leurs deux vies, aboutirait à cette conclusion déconcertante pour la philosophie de l'histoire. Avec une intelligence supérieure, de puissants moyens d'action, la compréhension la plus nette de la révolution économique opérée par la découverte de l'Amérique, l'armateur normand fonda sur le sable et ne laissa rien après lui que des dettes. Cependant que l'humble pilote malouin, malgré son ignorance, nous dotait d'un continent parce qu'il léguait au sien son exemple et cette chose sacrée en Bretagne, la tradition. Premier voyage, Labrador et baie des chaleurs. Fallait-il attribuer à un incident de voyage l'idée première de la colonisation du Canada? En revenant des pêcheries de Terre-Neuve en 1526, le breton Nicolas Don aborda par hasard une côte où il fit ample provision de joyaux et de colliers d'or. Et comme la terre se trouvait dans la démarcation espagnole, honnêtement, Don et ses 30 marins offrirent à Charles Quint le quart de leur profit, sauf à être reconnus, sous le bon plaisir impérial, seigneur du territoire. Il n'en fallait pas davantage pour amener l'attention vers la franciscane, imparfaitement explorée par notre envoyé Verrazzano et par le portugais Esteban Gomez, qui le suivit de près le long du continent américain. Un nouveau voyage de découverte fut donc organisé aux frais du trésor pour certaines îles et pays où l'on dit qu'il se doit trouver grande quantité d'or. Ce sont les termes des lettres royales, en date du 12 mars 1534, qui subventionnaient l'expédition du pilote Jacques Cartier aux Terres-Neuves par la baie des Chasteaux. Jacques Cartier était peu connu encore, bien que les relations de ses campagnes laissent deviner, par certaines réminiscences, un marin familier avec le Brésil. La fréquentation des Portugais l'avait mis à même d'être interprète pour leur langue à Saint-Malo, et ce fait est des plus importants dans la vie d'un navigateur, à une époque où les meilleures cartes marines étaient dues à des Portugais. Sans nous renseigner aucunement sur les préparatifs de l'expédition, que nous savons avoir été entravés par de sourdes menées, sans nous dire combien fut difficile le recrutement des matelots et des maîtres d'équipage épouvantés par les comptes des agents portugais, la relation du premier voyage de Cartier nous met, dès l'abord, en présence des partants. Il prêtait serment de fidélité entre les mains du vice-amiral de la Meilleraie et le 20 avril 1534 larguait leur voile dans le port de Saint-Malo. 60 hommes, 2 petits bâtiments de 60 tonnes, partaient à la découverte d'un monde. Christophe Colomb, il est vrai, n'avait guère d'avantage. 20 jours après son départ, Jacques Cartier abordait au cap de Bonne-Viste à Terre-Neuve. Les pêcheurs terre-neuviers avaient pris l'habitude de se ravitailler en gibier dans l'île des oiseaux, aujourd'hui Funk Island, où abondent, en fait de volatiles, des godets et des margots. Cartier en ramassa par tonnes avant de continuer sa route pour le golfe des Châteaux, qu'il reconnut être un détroit, le détroit de Belle-Île. Au Labrador, il explora des havres, dont la nomenclature empruntée aux parages bretons, Saint-Servant, Brest, Blanc-Sablon, où même Jacques Cartier ne fut pas aussi éphémère que les vocables normands et florentins donnés par Verrazzano au littoral occidental de l'Amérique. Cartier eut hâte de quitter les côtes désolées de cette terre de Caïn, où erraient, vêtus de peaux de bêtes et des plumes d'oiseaux sur la tête, des peuplades sauvages. Vers le sud, il rencontra l'archipel des îles de la Madeleine. Il disait de l'une l'île de Brion, ainsi nommée en l'honneur de l'amiral de France, qu'un de ses arpents valait mieux que toute la terre neuve. L'enchantement continua lorsqu'il s'enfonça dans la baie des Chaleurs, au milieu des effluves embaumés des groseilliers, des framboisiers et des roses. Les femmes indigènes étaient si confiantes qu'elles venaient caresser les bras des matelots en poussant des cris de joie. À l'amiral, l'explorateur avait dédié une île. Du grand maître de Montmorency, il consacra le souvenir par un cap dans le même golfe du Saint-Laurent. Non loin, la baie de Saint-Lunaire était une réminiscence de son pays natal. Dans la baie de Gaspé, près de l'embouchure du Saint-Laurent, le 24 juillet, Cartier planta une croix de 30 pieds où pendait l'écusson fleur-de-lysée avec la légende « Vive le roi de France ». Drapée dans une vieille peau d'ours noire, un chef indien protestait en embrassant d'un geste toute la région alentour, qu'elle était à lui et qu'on ne pouvait en disposer contre son gré. À ses fils de Magaya et Taignoani, on passa une livrée avec bonnet rouge et chaînette au col, et telle est, sur l'esprit humain, la puissance des hochets, que les Indiens enchantés devinrent les compagnons inséparables de nos marins. Ils restèrent à bord, quand le lendemain, Cartier quitta leur pays, et le 5 septembre, il débarqua avec lui à Saint-Malo. Second voyage, Canada et Hochelaga. L'expérience était concluante. Le 31 octobre, Cartier recevait l'ordre de poursuivre son exploration en emportant 15 mois de vivres. Son récit de voyage avait eu assez de retentissement à la cour pour qu'un échanson du dauphin, Claude de Pontbriand, et de nobles volontaires comme Charles de la Pommeraye tinssent à honneur de participer à l'aventure. Cartier n'éprouva aucune peine, cette fois, à embaucher 110 hommes d'équipage. Tous les bâtiments malouins étaient consignés au port jusqu'à complet recrutement de ses effectifs. Une nef de 120 tonnes, un courrier rapide comme ces messagers de la tempête auxquels le bâtiment devait son nom générique, un galion plus léger encore, la Grande Hermine, la Petite Hermine, les Mérions, telle était la flottille qu'il emmenait en compagnie de son beau-frère Massé Jalobert et de son voisin de campagne, Guillaume le Breton de la Bastille. Tous communièrent avant le départ, le dimanche de la Pentecôte, et dans le cœur de la cathédrale, l'évêque de Saint-Malo les bénit. Celtes aux aspirations mystiques, ils placèrent leur voyage sous la protection du patron des marins de Bretagne, en choisissant, pour mettre à la voile, la fête de Saint-Yves, le 19 mai 1535. Ils emmenaient deux prêtres avec eux. Rallié le 26 juillet à Funk Island par ses deux conserves, Cartier découvrait le 15 août Anticosti qui fut baptisé, en mémoire de la fête du jour, l'île de l'Assomption. Il entrait dans le Saint-Laurent. Ses hôtes d'antan ne l'avaient pas oublié. Une tradition, encore vivante chez les Hurons, où les Wyandots est consignée par Peter Duyan Tate, l'un d'eux, dit qu'une bande d'Indiens de Delaware, installée sur les bords du golfe, avait mission d'avertir les Hurons de notre retour. Un jour, les vigiles virent de grands oiseaux, au ventre brun et aux ailes blanches, fendre les eaux du golfe et s'avancer vers eux. De leurs flancs sortait le tonnerre. C'étaient les vaisseaux de Cartier. Les Indiens avec lesquels les Malouins s'étaient trouvés en contact étaient en effet des Hurons. La preuve en a été faite par M. Bigard, un érudit canadien, qui prépare avec une patience et un soin digne d'éloge une édition des voyages de Cartier. De son voyage, le pilote malouin avait rapporté un petit lexique dont les termes se sont conservés presque sans aucun changement dans la langue huronne. Il avait également obtenu de ses interprètes, Domagaya et Taignoani, des renseignements topographiques sur leur pays. Du Saint-Laurent, disait-il, deux grands royaumes bordaient les rives, le Canada et le Hochelaga. Le Canada, le village en Huron, selon cette figure de rhétorique qui prend la partie pour le tout, avait pour capitale Stadacone, la ville que les Algonquins, plus tard maîtres du territoire, appelaient Québec au temps de Champlain. Près de là, Cartier jeta l'ancre, le 14 septembre 1535, dans une rivière qui fut appelée, de la fête du jour, Sainte-Croix. Laissant les deux hermines à l'abri d'un fort au confluent de la rivière, il remonta le Saint-Laurent avec les Mérions et deux barques. En vain, ses interprètes, de connivence avec l'Aguana du Canada, Donnacona, essayèrent-ils, pour l'en détourner, d'impressionner ses marins par une mascarade ridicule, par l'apparition en barque de trois sauvages déguisés en diables cornus, qui prédisaient la mort aux étrangers assez téméraires pour s'aventurer en amont. Le 2 octobre, Cartier touchait à une bourgade fortifiée et garnie de palissades, dont la population délirant d'allégresse faisait pleuvoir dans les barques une manne de gros mille. C'était Hochelaga, la digue des castors. On comprit bientôt les motifs de cette réception enthousiaste. L'Aguana, perclus de rhumatisme, se fit porter à la tête d'un cortège d'infirmes au-devant des Blancs. Et le Malouin, transformé en thaumaturge, les signa, en récitant l'évangile de Saint Jean, « In principio erat verbum » et la Passion du Christ. De la montagne voisine, qu'il nomma Montréal, dans un panorama grandiose, il put entrevoir le pays de ses rêves. Les Hurons, touchant la chaîne d'argent de son sifflet et la poignée dorée d'un poignard, firent comprendre par signe que ces métaux se trouvaient dans les montagnes du Nord, chez de méchants guerriers armés de pieds en cap. De retour au fort Sainte-Croix, qu'on avait entouré de fossés avec pont-levis, le 11 octobre, il eut à se prémunir par une garde vigilante contre les desseins de Donnacona et des interprètes. Par malheur, une épidémie de scorbut éclata parmi la garnison avec une telle violence qu'il n'eut bientôt plus 3 hommes en état de combattre. 25 hommes avaient succombé. Cartier, presque seul valide, après une promesse de pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour, ne savait plus à quel saint se vouer, quand le salut lui vint des sauvages. Lors d'une des sorties continuelles qu'il faisait pour donner le change sur l'épuisement de la garnison, il aperçut, fort et dispos, l'Indien Domagaya, qui la semaine précédente, aux prises avec le scorbut, était une sorte de cadavre enflé et puant. la guérison était due à une décoction des feuilles de la méda ou épinette blanche. 6 jours après, nos moribonds, traités de même, étaient sur pied, mieux que si tous les médecins de Louvain ou de Montpellier y eussent été avec toutes les drogues d'Alexandrie. Cependant, l'insolence des Indiens augmentait. La chasse aux cerfs finit. Stadacone s'emplissait de hurons aux allures équivoques. Cartier, frappant un grand coup, enleva, le 5 mai 1536, Dona Cona, ses interprètes infidèles et plusieurs chefs hurons. Le lendemain, il reprenait la route de France, laissant, comme témoin de son séjour, une grande croix aux armes de France et l'inscription « Franciscus Primus, Dei Gratia Francorum Rex, Regnat ». Trop affaibli pour reformer 3 équipages, il abandonnait l'un de ses vaisseaux, la Petite Hermine, dont on a prétendu découvrir la carcasse en 1843, non loin de l'ancienne rivière Sainte-Croix. Saint-Malo a reçu une partie de ce trophée. Le 16 juillet 1536, après une absence de 14 mois, alors qu'on avait perdu toute espérance de le revoir, Jacques Cartier entrait en rade de Saint-Malo. 3e voyage, Charlebourg-Royal, les mines du Saguenay. Ainsi se trouvait affirmée notre prise de possession du Canada. Il était temps. Cartier croisa en route une expédition de marchands et de gentilshommes anglais qui vinrent jeter l'ancre à Funk Island. Malgré le pillage d'un bâtiment français et de ses vivres, la famine les empêcha de pousser plus avant que le golfe du Saint-Laurent et sauvegarda notre découverte. Une erreur géographique, l'idée que le Canada formait un bout de l'Asie du côté de l'Occident, mais une saine appréciation des commodités d'un pays facile à coloniser, tel était le bilan de l'exploration de Jacques Cartier. Elle ne porta ses fruits que plusieurs années après, lorsque François Ier, dégagé de la guerre avec l'Espagne, eut des ressources et du loisir pour envoyer au Canada, au Saguenay et à Hochelaga, un convoi de colons de bonne volonté et de toute qualité à industrie que déflorait pourtant la présence d'une 50aine de condamnés. La commission qui confia Jacques Cartier le soin d'organiser l'expédition nouvelle, avec le titre de capitaine général et maître pilote, est en date du 17 octobre 1540. Une subvention très forte pour l'époque, 45 000 livres, y était affectée. Malheureusement, les sauvages que le pilote avait amenés à Saint-Malo pour les faire instruire dans la religion chrétienne étaient morts, à l'exception d'une fillette. Tout le profit qu'il avait retiré de leurs entretiens était une notion erronée des mines du Saguenay, qui allait faire dévier, puis échouer, notre première tentative de colonisation. « Les Français se trompent s'ils croient trouver là-bas de l'or », disait en haussant les épaules le cardinal de Séville. « Sur cette côte stérile, il n'y a d'autre richesse que la pêche. » Mais sans plus approfondir, François Ier prit possession du Canada par les lettres patentes du 15 janvier 1541 qui subordonnaient Cartier au vice-roi de la colonie. Le lieutenant-général, chef, ducteur et capitaine de la dite entreprise, ensemble de tous les navires et vaisseaux de mer de l'expédition, était un gentilhomme gascon, Jean-François de la Roque, seigneur de Roberval. Riche propriétaire foncier à un âge où les flatteries donnent vite le vertige, mécène de Clément Marot qui ne craignait point de l'offusquer en étalant devant lui les mésaventures intimes de son libertinage, Roberval n'avait que trop rencontré, à la cour comme écuyer d'écurie, à l'armée comme porte-enseigne d'une compagnie d'ordonnance, les occasions d'ébrécher sa fortune. Il comptait la réparer au Canada. Quelle amère désillusion l'attendait! Les patentes royales lui conféraient des droits souverains, haute justice, destitution des officiers de terre ou de mer, choix, par tout le royaume, de compagnons de route, jusque dans les prisons. Pour lui, les formalités de levée d'écrou étaient abrégées. Sous condition de verser le prix de leur passage et de leur entretien durant 2 ans, il était permis aux criminels de troquer la prison pour l'exil au Canada. Envisagé comme une œuvre pitoyable et méritoire, qui offrait aux malfaiteurs un moyen de s'amender, la colonisation y réussit s'il y avait eu beaucoup de colons comme cette héroïque jeune fille, Mondine Boipi, qui se fit river à une chaîne de forçats afin de suivre au Canada son fiancé, un galeux. Malgré la diligence de ses fondés de pouvoir près des divers parlements, les chaînes de colons condamnés n'étaient point au rendez-vous à Saint-Malo le 10 avril. 1 mois et demi plus tard, il en arrivait encore. N'ayant ni colons ni artillerie de campagne, Roberval ne pouvait partir. Seul Cartier était prêt. Afin d'entreprendre de meilleur cœur une aussi longue expédition, le pèlerin de Rocamadour avait sollicité du pape une indulgence et le jour de la Sainte-Yves mis ordre à ses affaires temporelles par un testament. Fourni de vivres pour 2 ans, l'Hermine et le vieil Émérion, dont le roi lui avait fait présent, le Georges, le Saint-Briac et 1/5 bâtiment, se balançaient en rade de Saint-Malo, les vergues hautes, attendant le signal du départ. Cartier emmenait comme capitaine ses beaux-frères Massé Jalobert, Aiguillon de Beaupré et son neveu Étienne Noël. Un ordre vint de la cour, mandant de mettre un continent à la voile, à peine d'encourir le mécontentement du roi. Robert Ball passa donc en revue les équipages, gentilshommes, soldats, matelots, et laissa prendre à Jacques Cartier les devants le 23 mai 1541. La traversée fut rude. L'eau manqua. On dut abreuver de cidre les bestiaux, chèvres et porcs emmenés pour se reproduire au Canada. Après ralliement au Havre du Carpon à Terre-Neuve, l'escadre, entrant dans le Saint-Laurent, atterrit le 23 août au Havre de Sainte-Croix. Le remplaçant de Donnacona accueillit chaleureusement Cartier, d'autant que la nouvelle de la mort du chef indien à Saint-Malo n'était point pour lui déplaire. Il passa au Malouin ses bracelets et le couronna de son bandeau de cuir orné de coquillages en lui donnant l'accolade. Cartier ne fut point en reste de marque d'amitié. Il ne fixa pourtant point près de Stadacone son campement d'hiver. À 4 lieues en amont, dans un site pittoresque qui domine également le Saint-Laurent et la rivière du Cap-Rouge, il débarqua son artillerie et désarma 3 de ses vaisseaux dans la petite rivière. Il renvoya Jalobert et Noël, avec les 2 autres, aviser François Ier de l'absence de Robert Ball, qui, pensait-il, avait été battu par la tempête. Charlebourg-Royal, ainsi fut baptisée la nouvelle résidence en l'honneur d'un enfant de France, Charles d'Orléans, comprenait 2 forts, l'un au bord de l'eau pour protéger l'escadrille, l'autre au sommet du haut promontoire pour surveiller l'horizon. Un chemin à double évolution les relia. Une forêt de chênes et d'érables, bordée sur sa lisière de vignes sauvages, des prés, un potager que l'on forma, environnait les forts. Sur le bord de l'eau, certaines feuilles d'un or fin, aussi épaisses que l'ongle, et sur le plateau, des diamants, les plus beaux, polis, aussi merveilleusement taillés qu'il soit possible à l'homme de voir, fournirent, à l'estime du capitaine, une riche cargaison. Sa base d'opération soigneusement établie, Cartier, laissant la gare de Charlebourg au vicomte de Beaupré, forma une colonne pour aller explorer la route du Saguenay et se mettre en état, le printemps venu, d'y accéder. Il partit le 7 septembre avec Martin de Pimpon comme second. Les 2 barques lâchèrent à Auchelet, dont l'Aguana, fort obligeant au précédent voyage, fut gratifié d'un manteau écarlate garni de boutons d'étain et de grelots. 2 jouvenceaux y furent laissés pour apprendre la langue indienne. Devant l'impossibilité de franchir en barque le premier rapide, malgré une double équipe de rameurs, Cartier, sous la conduite de 4 Indiens, remonta les berges du Saint-Laurent jusqu'au 2e saut, sans doute celui de Carillon sur l'Ottawa. Au moyen de petits bâtons couchés à terre et coupés de branches qui représentaient les seaux, les sauvages de l'endroit montrèrent qu'il n'y avait plus qu'un rapide à franchir avant d'atteindre le royaume de Saguenay. Faute de vivres, Cartier dut se contenter de cette description et retourna en arrière, non sans combler ses guides de menus présents, peignes, épingles ou hameçons. Un document d'une importance capitale, que nous ne possédons malheureusement plus, l'atlas des cartes rédigé par Jacques Cartier au cours de ses campagnes, fixait du côté de l'Ottawa le mystérieux but de ses efforts. Nous en avons le témoignage dans une lettre d'un de ses neveux. « J'ai trouvé la dite carte, dit-il, au-dessus de l'endroit où la rivière se partage en 2, Saint-Laurent et Ottawa, au milieu des 2 branches de la dite rivière et quelque peu plus proche de la branche qui court vers le nord-ouest, l'Ottawa. Les mots qui suivent, écrits de la main de Jacques Cartier, par le peuple du Canada et Hochelaga, il est dit que c'est ici où est la terre de Saguenay qu'elle est riche et abonde en pierres précieuses. » Un autre passage de la carte ouvrait d'ailleurs de brillantes perspectives d'avenir pour la colonie de la Nouvelle-France. À 100 lieues dans le sud-ouest, Jacques Cartier avait inscrit cette légende « Ici, dans ce pays, se trouvent la cannelle et le girofle que dans leur langue ils appellent Canodilla. » De retour à Charlebourg-Royal, Cartier apprit que les Indiens devenaient hostiles, qu'ils ne portaient plus de poissons au fort. Des gens envoyés aux nouvelles à Stadacone rapportèrent que les sauvages s'y rassemblaient en nombre considérable. Notre pseudo-allié, l'Aguana de Auchelet, était parmi eux. Cartier, à tout événement, fit mettre notre fort en bon ordre. Par ces mots, à l'instant précis où une lutte palpitante va s'engager entre des milliers de sauvages et une poignée de Français, la relation du 3e voyage finit brusquement. La suite est perdue. Robert Ball, France-Roi, l'île de la Demoiselle. Cependant, les vaisseaux expédiés en France, le Georges et le Saint-Briac, avaient abordé à Saint-Malo le 3 octobre 1541. Sur l'avenir du Canada peuplé de nombreuses bourgades, sur la découverte à faire d'une grande mer à l'ouest au-delà des Sceaux, le capitaine Jalobert ne tarissait pas, prenant pour étrange confident de ses pensées un espion portugais. À vrai dire, il eût été en peine de se confier à Robert Ball. Non que le vice-roi du Canada fût parti, il rôdait le long des côtes de Bretagne, voire de Saint-Malo, mais il n'osait entrer au port. Si la détresse est mauvaise conseillère, il est parfois pire conseiller qu'elle. C'est ce qui était arrivé à Robert Ball. Pour équiper 3 petits navires à Honfleur, la Lèche-Fraie, la Valentine et l'Âne, Vainement avait-il engagé son vieux manoir en ruine de Bakwell, des vignes, des cens. Ne disposant plus que d'un tiers de la subvention royale, soit de 15 000 livres, il était devenu la proie de l'usurier Alonso de Séville, espagnol établi à Rouen, et d'un banquier lyonnais qui le poursuivait de ses lettres de créance. Dans ces conditions, il eut le malheur de rencontrer à Honfleur l'ancien vice-amiral Pierre de Bidoux, sieur de l'Artigue, qui n'avait pas encore franchi le dernier échelon de la dégradation, n'étant que pirate, avant de devenir, quelques mois plus tard, un traître. L'Artigue enseigna à un malheureux, que traquaient des créanciers, le moyen de faire fortune sans aller au Canada. C'était de piller ami ou ennemi. Embusqué près de quelques petits ports bretons, de Camaret par exemple, ils réalisèrent ainsi d'assez jolis bénéfices, jusqu'au moment où l'association se disloqua. Le jour de Noël 1541, à Landvenec, comme l'Artigue tirait de son bord, les hommes de l'âne, peu soucieux d'aller en Amérique, désertèrent en masse pour le suivre. Il y avait là des bandits qui avaient terrorisé, avant leur départ, les bailliages normands. Ils n'avaient cure des ordres du capitaine Paul d'Auxilon, qui avait consigné tout le monde à bord, et tentait, manu militari, de se faire obéir. Un des mutins, Barbeau, brandissait son poignard en criant « Par le sang Dieu, vous ne tuerez pas les gens !» quand le capitaine l'éventra. Les soldats dépêchèrent deux autres rebelles qui couraient aux armes, et Roberval témoigna sa satisfaction de cette répression énergique en absolvant le capitaine. Lui-même n'avait que trop besoin d'être absous. L'opinion, la cour, s'émouvaient de ses atermoiements coupables. L'hiver passa. Il n'eut plus de raison de différer le départ. Pour guider l'expédition, un pilote s'était offert, celui que Jean Angot avait voulu envoyer aux Moluques et que le roi de Portugal revendiquait comme sujet. Le célèbre Jean-Alphonse, de son vrai nom Jean Fontenot, de Saint-Onge Précognac, devait peut-être à son mariage avec une Portugaise nommée Alphonse l'honneur que lui faisait le monarque étranger, mais qui lui avait aussi facilité plus d'un voyage aux colonies lusitaniennes. Il naviguait depuis 40 ans. Jamais il n'avait perdu un vaisseau. Il avait perfectionné la voilure en adaptant au grand mât le perroquet qui, de lui, retint en certains pays le nom de Jeannette. Tantôt marchand, tantôt corsaire, capitaine ou pilote, il avait saccagé Porto Rico, relâché à la Bermude, un île corsaire, et reconnu le continent américain par les 42 degrés entre la Norembègue, où il plaçait la fantastique cité de Cibola aux toitures d'or et d'argent, et la Floride, qu'il se faisait fait d'explorer avec un petit bâtiment de 70 tonnes. Il revenait de Guinée quand Roberval l'embaucha. Sur le Canada où il se rendait, il partageait l'erreur de Cartier que c'était un bout de l'Asie, attenant à la Tartarie, mais il en connaissait la route, c'était là l'important. Le 7 avril 1542, enfin, soit avec un an de retard, l'escadrille de Roberval, pilotée par Alphonse, mit à la voile au port de La Rochelle. À bord des trois vaisseaux, il y avait 200 personnes, hommes et femmes, matelots et colons, que conduisaient les capitaines Paul Auxilon de Saint-Nectaire, Houssainter et Guincourt, l'enseigne Lespinet, Noirefontaine, Dieu Lamont, Frotté, Labrosse, La Salle, François de la Mire et Royez. Le 8 juin, la flottille mouillait au havre de Saint-Jean à Terre-Neuve. Quelques jours plus tard, Jacques Cartier parut. Là, des attaques incessantes des sauvages, qui lui avaient tué 35 hommes employés à construire les habitations de Charlebourg, il retournait en France avec une cargaison de diamants et de poudre d'or. De cette poudre, Roberval fit l'épreuve et elle fut trouvée bonne. Cartier n'en fut que plus impatient à mander à la cour sa découverte. Au lieu de rebrousser chemin pour guider son chef, il appareilla de nuit et partit sans prendre congé. C'était fort imprudent. À 7 lieues de là, pêchaient des marins de Fontarabie qui précipitamment rapportaient en Espagne l'annonce que le Malouin revenait avec 10 barriques d'or, 7 d'argent, 7 quintaux de perles et de pierreries. Des marins bas se mirent en embuscade. Par une fatalité nouvelle, Cartier ignorait que depuis le 10 juillet, la guerre était déclarée entre la France et l'Espagne. 27 de nos Terre-Neuviers, puis 4 autres, tombèrent dans l'embuscade. On eut hâte d'en informer l'empereur, en ajoutant qu'il revenait d'une expédition aux Indes. L'attaque était bien dirigée contre Cartier, à telle enseigne qu'une enquête eut lieu le 23 septembre parmi les Terre-Neuviers espagnols qui auraient pu le rencontrer. Mais le Malouin était hors d'atteinte, à l'abri du vieux rocher. Il avait échappé à l'ennemi. Il n'échappa point au ridicule qui, en France, tue. Son or n'était que du cuivre, si abondant dans la région des Grands Lacs, et ses diamants, de petites pierres à facettes d'un schiste riche en mica. Et faux comme un diamant du Canada, passa bientôt en proverbe. L'immense désillusion qui en résulta allait enrayer pendant un demi-siècle la colonisation du Canada. Après le départ de Cartier, Roberval avait poursuivi sa route vers le continent américain. À quelque distance du Labrador, le long d'un cap élevé qui se dressait dans une île, le vaisseau piloté par Jean-Alphonse jeta l'ancre et déposa dans une petite anse deux femmes avec quelques vivres. Un gentilhomme, se voyant, prit son arquebuse, un peu de linge et débarqua à son tour dans l'île des démons. Sous ses apparences banales, voici quel sombre drame se déroulait. Roberval avait surpris la liaison clandestine d'une sorte de cousine qui l'emmenait, nommée Marguerite, avec un de ses compagnons, malgré que la vieille servante de la demoiselle, une Normande du nom de Damienne, fit sentinelle durant les entretiens des deux amants. Et il condamnait la coupable à la relégation dans cette solitude affreuse. Mais en vrai gentilhomme, l'amant avait voulu partager le sort de son amie, telle cette paysanne qui avait tenu à suivre son fiancé criminel au Canada. Seulement, aucun écrivain ne célébra l'héroïsme de Mondine Boispy, tandis que le religieux Thévet s'apitoyait sur l'amante et que Marguerite de Navarre consacrait à l'aventure une des nouvelles les plus touchantes de son Heptaméron. Dans les cartes du temps, le petit archipel des démons s'appelle les îles de la Demoiselle. Au Canada, Roberval choisit pour résidence Charlebourg-Royal, qu'il nomma le fort de François. Sur le Saint-Laurent, baptisé également du nom nouveau de France Prime, le fort du promontoire comprenait une grosse tour et un corps de logis de 50 pieds de façade, avec chambre, grande salle, office, four, poêle, cellier et moulin. Au pied de la colline, près de la rivière du Cap-Rouge, les provisions étaient entassées dans une tour à 2 étages. Elles étaient en si petite quantité qu'il fallut rationner dès le début tout le monde. Aussi, le 14 septembre, Senneterre et Guinecourt eurent-ils ordre de reprendre la route de France avec l'âne et le galion royal pour amener un nouveau convoi. Alphonse partit avec eux. L'hiver fut terrible à la petite colonie. Un tiers de son effectif fut emporté par le scorbut. Le 6 juin 1543, pourtant, lorsque le fleuve fut libre de glace, Roberval se mit en route pour le Saguenay, naviguant contre le courant avec 70 personnes à bord de 8 barques. 30 hommes, laissés à la garde de François, sous les ordres de Royez, devaient y demeurer jusqu'au 1er juillet, et si Roberval n'était pas de retour à cette date, il regagnerait la France sur les 2 barques du fort. La limite fut portée au 22 juillet par une lettre de Roberval confiée à 2 gentilshommes, Villeneuve et Talbot, qui amenaient en même temps un peu de blé pour la garnison. Des éclopés en grand nombre, l'enseigne, les volontaires Labrosse, Frotté, Longueval avaient abandonné l'expédition. Une barque avait sombré avec 8 personnes. Mais à la date du 19 juin, Roberval poursuivait toujours sa marche vers le Saguenay. Qu'advint-il par la suite? Nous l'ignorons, les derniers feuillets de la relation de voyage sont perdus. L'expédition de secours arrivait de France avec Senneterre, capitaine de 2 vaisseaux, et Cartier comme pilote. Partie d'Europe en juin 1543, elle était de retour 8 mois après avec Roberval. C'est tout ce que nous savons de cette dernière expédition. La liquidation de la faillite de l'entreprise fut pénible. Roberval dut vendre l'âne et les objets d'équipement du galion royal à La Rochelle pour en partager le prix entre ses compagnons. Jacques Cartier, après débat avec son chef, prouva, par l'exposé de ses comptes, que loin d'avoir un reliquat à rendre au trésor, il restait créancier du roi. Au Canada, il n'y avait plus un Français, pas même la demoiselle, qu'un Terre-Neuvier breton rapatria au bout de 2 ans et 5 mois, folle de terreur, depuis qu'elle se croyait en butte, après la mort de sa nourrice et de son amant, à des persécutions diaboliques. Cette manie de la persécution était telle que de retour à Nontron en Périgord, elle se cachait de Roberval. Le terrible justicier faillit à son tour périr d'une mort épouvantable. Il était dans le grand caracon Philippe, qui prit feu en rade du Havre en juillet 1545, au moment d'appareiller en tête de l'immense armada française, assemblée pour l'invasion de l'Angleterre. Peu de personnes échappèrent au sinistre. Roberval fut du nombre. Il fut sauvé, avec 5 hommes, par un de ces légers navires qu'on appelait des Flouins. Parmi les armes qu'il emportait, figurait cette seringue destinée vraisemblablement à projeter du feu grégeois, ce qui était une façon d'utiliser pour la guerre ses connaissances minéralogiques. 3 ans plus tard, il obtenait le monopole de l'exploitation en France de toute mine minière et substance terrestre, tant métallique que autre, or, argent, plomb et azur ou lapis-lazuli. Croirait-on qu'avec une pareille pierre philosophale, il mourut ruiné en 1560. À de nombreux baptêmes à Saint-Malo, on vit, jusqu'en 1557, assister un vieillard vénérable, mais encore alerte, aux allures de loup de mer. C'était Jacques Cartier. Dans son manoir de Limoilou, véritable observatoire établi comme celui d'Angot au sommet d'une falaise, ou dans sa maison de la rue de Buen, non loin de la tour Quiquengrogne, il recevait parfois la visite de personnages illustres. Si l'on ajoute foi, à une tradition locale d'antiquité respectable, Rabelais fut l'un de ses hôtes. Il vint apprendre de lui les termes de la marine et du pilotage pour enchamarrer ses bouffonesques lucianismes et impies épicuréismes. Cette journée de 1550, que Sébastien Cabot et Bayarni, un Danois, qui en 22 ans avaient fait 4 voyages à Tulé, se trouvaient réunis chez lui et devisaient de leur voyage, un hâbleur survint qui soutira à chacun d'eux quelque chose. À Bayarni, une description de Tulé, à Cabot, des mémoires sur la terre de Corte-Réal et les rivières comprises entre le cercle arctique et le golfe des îles du Diable, au Malouin, une carte de l'île de l'Assomption ou d'Anticosti et l'histoire d'un ours rencontré à Terre-Neuve, si vieux qu'il en était blanc. La mort du pilote Alphonse. Non plus que le pilote malouin, Jean Alphonse ne retourna point au Canada. La guerre avec l'Espagne lui offrait de toute autre perspective de profit que l'exploitation des faux diamants. Et la Colette de La Rochelle, après une croisière de conserve avec la Madeleine de Saint-Jean-de-Luz, ramenait en décembre 1543 4 prises armées en guerre et une cargaison de sucre de Madère. Avant de repartir en course, comme par un pressentiment de la destinée, Alphonse éprouva le besoin de se recueillir et de consigner par écrit les observations géographiques qu'il avait pu rassembler durant sa longue carrière maritime, sauf qu'elle ressemble trop, en certains points, à un plagiat de la Summa de Geographia d'Enciso. Sa cosmographie, terminée le 24 mai 1544 à La Rochelle, fut son testament. Il espérait, par cette œuvre suprême, faire service au roi, car il trouvait que nous nous laissions dépouiller dans le partage du monde. Passant de la théorie à la pratique, il tomba sur les Espagnols à la tête de la Marie et la Louise de Guillaume Perle, renforcés par un navire de raie. Tous les vaisseaux étaient armés à la grosse aventure, c'est-à-dire qu'on rendait simplement les armes aux prêteurs si la campagne était sans profit. On les remboursait au double de leur valeur en cas contraire. Cette fois, la fortune fut infidèle à l'aventureux capitaine. Peu après son départ, la paix entre la France et l'Espagne fut signée à Crépy le 18 septembre. Alphonse n'en était point averti. Par le travers du cap Saint-Vincent, il venait de capturer une douzaine de navires basques chargés de fer, quand un de nos plus redoutables adversaires, Menendez, se lança à sa poursuite et lui enleva 5 prises. En pleine rade de La Rochelle, il le rejoignit de nouveau et le blessa mortellement. Sommé de venir s'expliquer sur cette agression, Menendez exhiba aux échevins de La Rochelle l'ordre qu'il avait de reprendre les vaisseaux capturés depuis la signature de la paix. Il obtint gain de cause et les dernières prises furent placées sous séquestre. Jean-Alphonse mort, son fils Antoine jura de le venger. Il l'envoya défier Menendez, l'avertissement qu'il prendrait la mer avec 3 vaisseaux. Le défi fut relevé. La rencontre eut lieu à Tenerife, et de ce nouveau duel, Menendez, avec ses 2 bâtiments, sortit encore vainqueur. Antoine fut tué d'une balle, son vaisseau coulé, les 2 autres pris. Telle est une version espagnole, dont il est impossible de contrôler les détails, sinon que les allusions d'un contemporain à la mort violente d'Alphonse, arrivant au port, semblent la corroborer. L'assaillant l'a mis en tel déroi que rien de lui ne reste plus que poudre. Sa cosmographie était tombée entre les mains d'un pilote Honfleuret, l'un de ses compagnons probablement lors de l'expédition de Robert Ball. Homme pauvre et loyal, c'est lui-même qui se décerne ce brevet d'honnêteté, Rollin le Taillois, dit Sécalard, tenta, par des grattages et des additions frauduleuses, de se faire passer pour l'un des auteurs de l'ouvrage, et il essaya d'en tirer parti en Angleterre. Un autre Honfleuret, Maugis Vumenot, résuma la cosmographie sous le titre « Les voyages aventureux du capitaine Jean-Alphonse pour le compte d'un Piémontais ». Tandis que d'ingrats compagnons ne songeaient qu'à faire leur profit de l'œuvre d'Alphonse et même à éteindre son nom, un poète le rendit immortel. Il recouvra subtilement et publia les voyages aventureux en rendant justice aux défunts. Remercie donc ce seigneur de Saint-Gelais, c'était le poète, d'un tel bien par lui fait à la République. Ajoute, en manière de conclusion, l'honnête imprimeur que la conduite de Sécalard et compagnie avait révolté. Épilogue. Tous les acteurs de la découverte du Canada avaient, l'un après l'autre, disparu. Mais l'un d'eux, à son lit de mort, avait légué son œuvre au sien. Et les neveux de Jacques Cartier furent fidèles à la promesse que le vieux pilote avait exigée d'eux. Un demi-siècle après l'explorateur, Jacques Noël remontait le Saint-Laurent au-delà des Sceaux. D'une haute montagne sise au-dessous des rapides, il avait vu le fleuve s'élargir en amont vers le grand lac qui se trouvait, selon les Indiens, à 10 journées de marche. Et en 1587, il chargeait ses fils, Michel et Jean, d'aller de l'avant en leur confiant la carte de Jacques Cartier, leur grand-oncle. L'exploration toute récente d'Espeyo, de novembre 1582 à juillet 1583, qu'il s'était fait adresser à Saint-Malo, lui avait révélé l'existence de riches territoires au sud-ouest du continent, dans le Nouveau-Mexique. Et peut-être Noël caressait-il déjà le projet que réalisa un siècle plus tard Cavelier de La Salle, la recherche du trait d'union entre le Canada et les terres méridionales. En compensation de leur sacrifice, Noël et Chaton de la Janaille, autres neveux de Cartier, s'étaient fait octroyer le monopole du trafic des pelleteries et des mines canadiennes. Ils considéraient comme leur fief la découverte ancestrale qu'ils avaient sauvegardée contre les convoitises de l'étranger. Mais les Malouins, appuyés par les États de Bretagne, firent révoquer en 1588 le monopole des deux associés comme attentatoire à la liberté du commerce. Le Canada restait un patrimoine national. Il s'agissait de le mettre en valeur. Et cette fois, un vif courant d'opinion se dessinait en France pour y envoyer des colons. De Québec, le Récollet Denis Jeunesse adressait un mouvement d'appel aux diverses classes de la société. Il adjurait les parents de ne plus contraindre leurs enfants à se faire moines pour obéir au partage du bien familial, la noblesse de ne plus consommer ses terres en superfluité, le roi enfin de ne point jeter dans les cachots des malheureux coupables d'une ou deux peccadilles. Qu'on les relègue ici, disait-il, ils resteront d'honnêtes gens, et coupables régénérés, enfants de familles nombreuses, gentilshommes sans avoir, feront en peu d'années une seconde France. Dans un mémoire très documenté, un de nos diplomates, Sainte-Catherine, organisait dans ses grandes lignes la colonisation. Il parlait d'embrigader les émigrants par dizaines et par compagnies mixtes de soldats et d'artisans, et de les embarquer sur des transports hollandais aménagés pour les voyages au long cours. Quant à le recrutement, si l'on eût écouté un troisième personnage, la conscription eût été appliquée à tout le royaume, chaque paroisse eût fourni un colon, et le Canada serait ainsi devenu une France en miniature à laquelle nos provinces les moins maritimes se seraient intéressées. L'auteur de cette proposition audacieuse et féconde n'était rien moins que le fondateur de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain.